Le lendemain de cette horrible soirée, après une nuit passée tantôt à se détailler les avantages de Fabrice, tantôt dans les infotransports de la plus cruelle jalousie, le comte eut l'idée de faire appeler un jeune valet de chambre à lui. Cet homme faisait la cour à une jeune fille nommée Tchéquina, l'une des femmes de chambre de la duchesse et sa favorite. Une heure plus tard, le comte parut à l'improviste dans la chambre où cette fille se trouvait avec son prétendu. Le comte les effraya tous deux par la quantité d'or qu'il leur donna. Puis il adressa ce peu de mots à la tremblante Tchéquina en la regardant entre les deux yeux. « La duchesse fait-elle l'amour avec Monsignore ?»« Non, » dit cette fille, prenant sa résolution après un moment de silence. « Non, pas encore. Mais il baise souvent les mains de madame. En riant, il est vrai, mais avec transport. » Ce témoignage fut complété par sa réponse à autant de questions furibondes du comte. Sa passion inquiète fit bien gagner à ses pauvres gens l'argent qu'il leur avait jeté. Il finit par croire à ce qu'on lui disait et fut moins malheureux. « Si jamais la duchesse se doute de cet entretien, dit-il à Tchéquine, j'enverrai votre prétendu passer 20 ans à la forteresse, et vous ne le reverrez qu'en cheveux blancs. » Quelques jours se passèrent, pendant lesquels Fabrice, à son tour, perdit toute sa gaieté. « Je t'assure, disait-il à la duchesse, que le comte Mosca a de l'antipathie pour moi. Tant pis pour son excellence, répondait-elle avec une sorte d'humeur. » Ce n'était point là le véritable sujet d'inquiétude qui avait fait disparaître la gaieté de Fabrice. « La position où le hasard me place n'est pas tenable, se disait-il. Je suis bien sûr qu'elle ne parlera jamais. Elle aurait horreur d'un mot trop significatif, comme d'un inceste. Mais si un soir, après une journée imprudente et folle, elle vient à faire l'examen de sa conscience, si elle croit que j'ai pu deviner le goût qu'elle semble prendre pour moi, quel rôle jouerai-je à ses yeux? Exactement, le Castro Giuseppe, le chaste Joseph. » Faire entendre, par une belle confidence, que je ne suis pas susceptible d'amour sérieux. Je n'ai pas assez de tenue dans l'esprit pour énoncer ce fait de façon à ce qu'il ne ressemble pas comme deux gouttes d'eau à une impertinence. Il ne me reste que la ressource d'une grande passion, laissée à Naples, en ce cas y retourner pour 24 heures. Ce parti est sage, mais c'est bien de la peine. Resterait un petit amour de bas étage à Parme, ce qui peut déplaire, mais tout est préférable au rôle affreux de l'homme qui ne veut pas deviner. Ce dernier parti pourrait, il est vrai, compromettre mon avenir. Il faudrait, à force de prudence, et en achetant la discrétion, diminuer le danger. Ce qu'il y avait de cruel, au milieu de toutes ces pensées, c'est que réellement, Fabrice aimait la duchesse de bien loin, plus qu'aucun autre au monde. Il faut être bien maladroit, se disait-il avec colère, pourtant redouter de ne pouvoir persuader ce qui est si vrai. Manquant d'habileté pour se tirer de cette position, il devint sombre et chagrin. Que serait-il de moi, grand Dieu, si je me brouillais avec le seul être au monde pour qui j'ai un attachement passionné? De notre côté, Fabrice ne pouvait se résoudre à gâter un bonheur si délicieux par un mot indiscret. Sa position était si remplie de charme, l'amitié intime d'une femme si aimable et si jolie était si douce. Sous le rapport plus vulgaire de la vie, sa protection lui faisait une position si agréable à cette cour, dont les grandes intrigues, grâce à elle qui la lui expliquait, l'amusaient comme une comédie. Mais, au premier moment, je pus être réveillé par un coup de foudre, se disait-il. Ces soirées, si gaies, si tendres, passées presque en tête-à-tête avec une femme si piquante, si elles conduisent à quelque chose de mieux, elle croira trouver en moi un amant. Elle me donnera des transports, de la folie, et je n'aurai toujours à lui offrir que l'amitié la plus vive. Mais, sans amour, la nature m'a privé de cette sorte de folie sublime. Elle croira que je manque d'amour pour elle, tandis que c'est l'amour qui manque en moi. Jamais elle ne voudra me comprendre. Fabrice paraissait chaque jour dans les maisons les plus considérées et les moins gaies de Parme. Dirigé par les conseils habiles de la duchesse, il faisait une cour savante aux deux princes père et fils, à la princesse Clara Paolina et à Monseigneur l'archevêque. Il avait des succès, mais qui ne le consolait point de la peur mortelle de se brouiller avec la duchesse.